m'aime, eh, je sais plus qui m'aime. Les gens autour de moi sont hypocrites, ils me pompent l'air. Donc faut qu'on m'emmène, qu'on me sorte de mon domaine. Et quand je me prends la tête, viens pas me voir de quoi tu te mêles. Eh, ça me rend paro, je crois que je vais casser les carreaux. Trop de rêve derrière les barreaux, je l'ai lu dans le Figaro. Eh, ça fait mal, mal, mal, mal. C'est l'heure ma fille.